Chui Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a fait le tour de l'exposition des réalisations obtenues par la troupe de choc de la jeunesse avec la détermination de se renforcer par soi-même. Lors de sa visite, il a encouragé les membres de la troupe de choc qui créent les mythes de héros de l'époque du Maliman dans l'effort pour le grand essor avec la détermination de se renforcer par soi-même et appelé les jeunes à s'efforcer davantage pour la nationalisation de la production.